con neri. Sì. Perché Pensa di Dan. di Dan, vuoi? Io anzi, ma se tu da mai sei tu, beh. E ma in difesa di quelli che si attraccano, un canso, sanna, tu ce ne non scrivi io. Pensa anche. La mia cassetta si è buona. Parce qu'il me bloque, c'est donc qu'il me bloque. Quand il me bloque comme ça, ça crée une vibration, une réflexion au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité, ça crée des tensions. Ça travaille les conflits intérieurs que n'existent pas. C'est toujours le travail, les conflits intérieurs. Si une personne, en général, fonctionne sur le pilote automatique, de façon plus ou moins bien, puis qu'elle passe une longue période de temps très confortable, quel genre de travail qui peut se faire sur cette personne-là? D'abord. L'évolution, quand est-ce qu'elle vient? Elle vient toujours l'évolution quand il y a du travail qui se fait. C'est quand vous êtes down que vous êtes up. Ah, ben, c'est ça, ben, si l'ajustant maintient la personne confortable pendant un bon bout de temps, c'est quel genre de travail Pour la faire poser. Ouais. Un break. Sans ça, vous deviendrez épuisé, votre système nerveux. Mais c'est quand vous êtes down que vous êtes up. Est-ce qu'elle pourrait se faire la nuit? Ah, je fais tout le temps. Mais la nuit, c'est simplement la préparation. Le jour, c'est l'action. Parce qu'il faut que l'ego soit conscient de ce qui se passe. Si on prend, mettons, le système nerveux de la femme qui est souvent sujet à des variations assez variables, à ce niveau-là, est souvent, un petit peu plus, peut-être culturellement, mais souvent down quand on regarde les dépressions nerveuses et tout ça, en comparaison avec un homme qui a un système nerveux beaucoup plus stable. Ouais. Comme la femme est facilement attaquable durant sa période de menstruation. Durant ces périodes-là, checkez vos glandes. La glande hypophyse, pareil. Est-ce que vous êtes sensible à ces périodes-là? J'ai donné des garçons. Fait que la fête du travail, c'est bien important. Pour demain. Moi, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je me dis à moi-même, je suis pas arrivé un matin, mais une vraie fois, je fais tout le Québec, je vais trouver le job, je vais trouver un job. Je peux m'en trouver. Mais ça veut pas dire que je vais regarder. Non. Ça veut pas dire que si là, c'est le temps le matin, il a capoté chez Bérine, aller me trouver un job. J'ai tout compris. Mais de l'autre côté, il ne faut pas rationaliser le mouvement non plus. Ben non. S'il devient que le goût de trouver une job, c'est parce que c'est la vibration qui part. Tu peux en trouver une, tu peux en trouver une pour quelque temps, tu peux en trouver. Tu peux ne pas en trouver. Mais le point, il dit, c'est que qu'on comprenne au niveau de l'âme les relations entre le travail de l'ego, le travail que aime l'ego, que recherche l'ego, que voudra faire l'ego, et l'imposition vibratoire de l'énergie d'âme sur l'ego pour l'amener éventuellement à se dissocier de la vertu du travail pour entrer dans la conscience du travail, pour entrer plus tard dans la conscience de l'homme. Parce qu'il dit qu'il faut pas qu'on prenne rien dans la vie sérieusement. Faut qu'on s'habitue avec le temps à ne pas prendre rien dans la vie sérieusement parce qu'il n'y a rien de sérieux dans la vie. Puis dans le travail, on prend beaucoup de sérieux, on met beaucoup de sérieux dans le travail parce que le travail représente pour nous autres une formation quelconque de la manifestation de notre intelligence et de notre créativité. Et cette intelligence et cette créativité-là est très, très inférieure à ce qu'on peut faire en réalité. Dans un domaine qui est totalement différent de ce qu'on peut s'imaginer. C'est toi qui dis, quand vous travaillez, travaillez pour faire vos scènes, payer votre loyer, mais travaillez pas pour changer le monde, puis introduire dans le monde de nouvelles vertus au niveau du système. Vous allez vous fatiguer pour rien. Oui, mais il y a des gens qui sont des grands réformateurs quand même. Je veux dire, on n'a pas tous cette mission-là, mais il y a quand même des gens qui font énormément pour changer la société. Les gens qui sont des grands réformateurs puis qui font beaucoup pour changer la société, ça fait partie de leur expérience. Et ça ne change pas la société. L'homme, la société, ça va changer par le changement dans l'homme et non par l'extérieur. Les Russes ont eu l'expérience. Et aucun homme ne peut changer une société humaine. Il faut être conscient de changer une société humaine. Puis quand tu es conscient, tu ne fonctionnes pas de la même façon. Tu n'es pas intéressé à changer la société. Tu es changé à elle. T'es appelé à introduire dans l'esprit de l'homme une vibration supérieure pour que l'homme vive de son esprit, pour que l'homme puisse plus tard créer des conditions de civilisation. Oh, selon les pouvoirs de l'homme dans l'ego. T'es rendu esprit. Là, à ce moment-là, tu crées une nouvelle civilisation. Tu changes pas la société. La société de l'homme va pas changer depuis des millénaires. L'homme, il se mange en gros aujourd'hui. Seulement, c'est plus avancé. Avant, c'était les épées, aujourd'hui, c'est des rockets. Il y a eu rien de changé chez l'homme. Il y a eu beaucoup de modifications, il y a eu beaucoup d'altérations, mais il y a eu rien de changé chez l'homme. C'est plus raffiné aujourd'hui, les moyens de destruction. Le barbarisme d'antan est devenu un mode sophistiqué aujourd'hui de destruction. On se désengage en tant qu'individu aujourd'hui des œuvres de destruction, parce qu'on paye sur le piton et ça se produit là-bas. Mais c'est le même mécanisme. Au niveau de la terre. C'est pas de changement. C'est des illusions qu'on... Puis aujourd'hui, d'ailleurs, on rentre dans une phase où les mœurs de l'homme sont rendues encore plus corrompues que là, 50, 60, 70 ans. Parce que dans ce temps-là, les hommes avaient des modes de vie sains, où il y avait de la corruption dans les hauts étages de la société, qui contrôlait. Mais là, on est rendu qu'on a de la démocratie. Fait que ça se répand partout le mal. Avant, il y avait que crotté, c'est tant que tout le monde est crotté. Tout le monde est crotté. Je sens te venir, ça. Oui, moi aussi. Mais lui, il est chanceux, il n'entend pas. On sait qu'il y avait plus de crottés, mais là, tout le monde est crotté. J'ai dit, tout le monde est crotté. Puis il dit, quand tout le monde sera crotté, il y aura plus de crotté. Moi, ce qui m'a frappé ce soir, là, c'est quand t'as parlé de l'objectivité là, dans la conscientisation, ça, je trouve ça... C'est la fondation des alliances entre les hommes. C'est vraiment fort. C'est, ça fait partie de la puissance de la nouvelle société. C'est tellement fort, ça. C'est tellement fort, ça. Gisèle est là comme témoin. Il y a des hommes que je... Il y a des gens que je connais, là. Je peux aller voir et je peux dire, écoute, Georges, j'ai besoin de 50 000 piastres. Ils vont aller à la banque, ils vont me le donner. C'est final. Puis ils me le redemanderont jamais. C'est quoi la date? Autrement dit, quand l'homme... C'est intéressant. Quand l'homme est conscient et vit et comprend ce mécanisme-là, une micro-société comme ça a un pouvoir économique très vaste. Très vaste. Très bas. Parce que l'ego, c'est un pour tous. Dans le sens que un est dans la conscience de tous. Ils ont tous la même conscience. Fait que si je vais voir Georges, je lui dis, Georges, j'ai besoin de 50 000 piastres. Les autres, ils disent, donne-y 50 000 piastres. Georges, je me donne de 50 000 piastres. Ça fait partie de sa conscience comme ça fait partie de ma conscience. Vous voyez ce que je dis? Fait que Georges, il me donne de 50 000 piastres. Oui, si Georges vient me voir un jour, il dit, j'ai besoin de 40 000 piastres. Je donne 40 000 piastres. Non. Quand t'es conscient, tu dois rien à personne. Garde bien ça, celle-là. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est parce que ta conscience n'est pas parfaite. Et la conscience de l'autre non plus. Il dit que si les hommes étaient conscients, les hommes n'auraient jamais à travailler parce que les hommes échangeraient constamment. Finalement, le vol, c'est une ignorance d'un partage plus égal des choses. Exactement. Non, mais voler, c'est comme ça, c'est l'objet qui change de propriétaire, mais... Sans conscience, sans qu'un échange. C'est l'appropriation de quelque chose. C'est de la liberté de l'homme. C'est ça. C'est contre la liberté de l'homme. J'ai changé sans permission. C'est bon, ouais. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu dis, Gisèle? Gisèle, qui me connaît, est consciente de ce mécanisme-là. Puis la puissance de ce mécanisme-là dans cette micro-société-là. C'est puissant. Je pense que c'est vrai. Quand on est dû pour avoir quelque chose, il n'y a pas de résistance, on va l'avoir. Je vais vous dire une chose. Écoutez-les bien, celle-là. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Je ne sais pas si je le ferai. Il faut que je sente les vibrations de tout le monde. Mais si un jour quelqu'un, si ça m'est levé à mes oreilles, par exemple, de façon là, quelqu'un me dirait, bon, ben, j'ai 5, 10 000 piastres en dette, là, puis, tu sais, que ça, les dettes, là, il peut pas en sortir. Ça l'étouffe, là. Si les gens étaient conscients, on sortira ce gars-là dans une conférence, on sortira de son. Fait que 800 personnes, ou 1000 personnes, ou 2000 personnes, là, puis il y en a un qui est pogné, là, qui a 10 000 piastres. Fait que disons que t'as 1000 personnes, 10 000 piastres, ça fait combien? 5 piastres chaque? Comment ça fait 1000 personnes? 10 piastres. 10 piastres chaque. Ouais. Chacun donne 10 piastres, le gars, il est sorti son truc. Là, il peut respirer, là, puis avancer. Mais là, un autre problème, il a besoin de 300 piastres, 55 chèques. Il n'y a personne qui le sent. Tout le monde a accès au même pouvoir de la conscience. C'est fort. Ben, moi, j'ai eu... On forme une coopérative. Comprenez-vous ce que je veux dire, le principe de la conscience? Mais ça, j'ai vécu ça, par exemple. Je l'ai vécu. Je m'étais fait voler, c'est un petit 45 $, puis on était dans un groupe, là. Puis, c'est venu aux yeux d'un organisateur, il a dit, bon, les salaires s'est fait voler tant. Ils ont donné chacun une pièce, puis je personne n'a senti. Non. Puis, oui, ça t'a... Et ça, c'est une chose que je ferais dans un cas extrême où une personne n'est plus capable. Tu sais, il y en a des gens qui sont plus capables, mais non, là. À ce moment-là, là, il me permettra peut-être de le faire. Là, ça éliminerait. Ça ne sera pas une affaire d'ego. Non, faut pas que ce soit une affaire d'ego. S'il y a de l'ego, là. Mais s'il n'y a pas d'ego, ça devient un pouvoir extraordinaire. Ben oui, ouais. Si je m'en vais puis je fais exprès, genre, je me sortirai pas. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens qui ont été imposés des situations de vie pour leur expérience. Même cette expérience-là servirait. C'est subtil. Ça servirait à tout le monde. Fait que qu'est-ce qui arrive quand t'as 1000, t'as 2000 personnes comme ça? Tous les gens qui souffrent, là, qui sont réellement plus, qui ont plus de problèmes intérieurs. Ils ont plus de problèmes au niveau interne, mais c'est au niveau matériel qui ont des problèmes, là. Faut que ça brille. À ce moment-là, les gens découvriront une nouvelle sorte de possibilité de vie, de relaxation. Ça élimine le traumatisme de toute cette. C'est de la conscience. Mais quand tu dis, tu le ferais, je vais faire que tu participerais en faisant ta part, mais je voudrais pas que ta suggestion au groupe devienne une domination, que les autres se sentent obligés de le faire. Non. Quand je le ferais seulement avec des gens conscients. Les gens qui sont les gens qui auraient la vibration, je le sais. Je pourrais parler de ces gens-là. Plus tard, quitte à prendre plusieurs autres qui seraient à la vibration. Je pourrais le faire avec Croteau dessus. Je peux vous dire avec qui je peux faire. Je peux faire avec Rudolph, je peux faire avec Valentin. Je peux faire avec Jeannette. Bonjour, Carly. Hein? Bonjour, Carly. Je vous donne un exemple. Mais à ce moment-là, faut pas que ça soit une influence. Faut que ça soit une réalisation consciente. C'est pour ça que je suis pas prêt à faire des affaires même parce que les... Pour que je fasse... Parce que là, pour faire des mouvements comme ça, faut que tu t'aides d'une façon parfaite avec des gens qui ont une conscience parfaite de ce que tu fais. Sans ça, ça ternirait mon activité. Je peux pas permettre ça. Mais c'est pas un tout qui le ferait, ce moment-là. C'est un instigateur de cette prise de conscience-là. Mais il faudrait que les gens le sachent par eux-mêmes. C'est vibratoire, c'est plus psychologique, là. C'est vibratoire. Il y a beaucoup d'entre nous qui font ça au niveau animal, des choses comme oui, ça. Oui. D'ailleurs, ça se fait parmi les hommes. Assez souvent, tu n'attends même pas qu'ils te demandent. Par contre, tu as le besoin, tu vas offrir ton aide. Exactement. Ça devrait être comme ça. Ce masque à lui, c'est que ça se fait entre amis, mais ça se fait pas entre amis. Ça se fait entre des gens qu'on connaît, avec lesquels on a des relations, des sympathies. Les gens, le gars qui est tout seul dans le coin quelque part, là, pis qui est plus capable de sortir de son trou pis qui est pas capable, c'est lui qui a besoin d'aide. Celui qui n'a pas d'amis, là, lui, il en a besoin. Oh, c'est très grand. Mais je te nomme extrêmement averti. Plus que vous pouvez jamais vous imaginer. Quand je fais un mouvement, je suis certain de ce que je fais. Donc, si je le fais, c'est parce que je suis certain de ce que je fais. Sans ça, je ne le ferai pas. J'ai pas d'argent à perdre. J'ai pas d'énergie à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Mais je suis tanné de voir des gens qui sont étouffés. Qui ont pas, ça de raison, la capacité d'avoir des amis pour les aider. Bon, il y en a, qui ont la capacité d'avoir des amis pour les aider. Il y en a qui n'ont pas. Il y a des gens qui sont, qui vivent des vies extrêmement difficiles, qui ont des grandes vies à vivre, l'expérience de leur vie. À un certain moment, ça va loin. Ça prend de la conscience, pas de la bonne intention. Non. Parce que tu donnes pas, tu transfères. Tu ne donnes pas, tu transfères. L'homme ne doit jamais donner. Il doit transférer. C'est la bien, ça doit être nuancé. Mais tous les hommes donnent parce que les hommes pensent. Et les hommes rattachent à leur don une valeur quelconque. Qu'elle soit énergique ou qu'elle soit matérielle. Qu'elle soit vibratoire. Que ça soit toujours vibratoire. Jamais psychologique. C'est psychologique, c'est final. C'est vibratoire, c'est un autre chose. Je comprends pas ça. Mais non, ça rien. Tu donnes rien. Transfert. Quand on donne, c'est pas toujours possible. Tu donnes pas. C'est transfert. Parce que quand tu transfères, tu ne possèdes pas. Quand tu transfères, tu ne possèdes pas. Mais pour pouvoir le posséder, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois assuré de la perfection de la conscience. Dans tous ceux avec lesquels tu trafiques de cette sorte. Oui, c'est pas mal délicat, ça. Oh, c'est très délicat. Parce que, ben, là, je vais vous dire, j'entends parler, là, ce soir, bon, photo, elle est hôtel, c'est pas des gens que je connais. J'ai l'impression que vous êtes d'une super conscience que j'ai pas encore accès, mais j'ai pas l'impression que je suis dans votre gang. Autrement dit, là, vous avez la même chose pour l'argent ou pour n'importe quoi. Non, je parle de Croto, je parle de telle ou telle personne pour expliquer des faits saillants de ce que je veux dire. Oh oui, ça, au niveau des exemples, je suis compris. C'est des exemples. Oh oui. Mais d'énergie vibratoire, de tout ça, là. J'ai pas l'impression que j'ai accès à ça encore. L'impression que vous n'avez pas d'avoir accès à ça encore fait partie de l'expérience de l'ego qui est en évolution. Il ne faut pas que vous conscientez avec ça. C'est bien là. Non, je sais bien, je ne m'accroche pas. Ça fait curieux pareil. Mais ça, c'est de la réflexion dans l'ego. Ah oui, je sais bien. C'est pas de mes affaires, premièrement. Moi, il faut que je vive à mon rythme de l'expérience. Fonctionner virtuellement, on sait quand on sait, tu peux pas le savoir tant que tu ne sais pas. Tu fonctionnes par intuition. Par l'intuition. Ouais. Ça se décrit pas, fonctionner vibratoirement. C'est un état. C'est ça. Qui grandit. La plupart des gens fonctionnent par intuition. Parce que c'est pas une expérience. Ouais. Ouais. Faut qu'elle vit son expérience, comme tout le monde vit son expérience. Quand même, je donnais l'explication, ça projetera simplement l'expérience sur un écran futur, tout à l'heure. Je savais, c'est pas un concours. Je comprends ça. C'est dur pour l'homme de comprendre. C'est dur pour l'homme de comprendre ce qui se comprend pas. C'est une nouvelle étape dans l'évolution de l'homme. Comprendre ce qui se comprend pas, c'est pas facile. Parce que. On prend M. Gauthier, c'est un grand intuitif. Il sent par l'intuition. Il interprète par l'intuition, il comprend par l'intuition, mais il comprend pas. Il va comprendre quand l'intuition ne servira plus. Il va comprendre quand l'interprétation intuitive ne servira plus. À ce moment-là, il va être simplement dans les vibrations. Chaque personne a son mécanisme. Mais en attendant, le mécanisme de chaque personne est essentiel et peut servir fortement dans telle orientation. C'est pour ça qu'il vient un point. Il vient un point éventuellement quand on rencontre les hommes. Tu sais, je parlais d'objectivité de conscience ce soir. Il vient un point où les hommes, quand on les rencontre, c'est plus les personnalités qui nous intéressent. C'est plus les égos qui nous intéressent. C'est l'âme. La vibration. Moi, c'est vos vibrations qui m'intéressent, pas vos personnalités, vos égos. Les gens qu'on sent, là. Ouais. C'est ça. Ça la vibration. C'est ça qui compte. Ouais. C'est ça. Soyons de l'âme qu'il faut aller. Bernard, tantôt tu as parlé de l'âme parfaite, de l'ego parfait. Maintenant, demander à un ego, ça s'en vient dans sa peau, comme je disais, là. Bon, il a atteint un certain degré de perfection. Il n'y a pas un danger de se prendre quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il n'a pas atteint un certain ego de perfection. Tom. Il pense qu'il a atteint un degré de perfection. C'est pas que les gens cherchent des sommets, tu sais, les chemins. Des écoles spirituelles. Il y a un an quand on s'est rencontrés, surtout ceux qui me connaissent depuis un an. C'était normal, vous autres, de penser en termes de sommets, tu sais, les sommets. Puis si vous regardez à ça, vous voyez que le sommet n'est plus. Sommet. Pas de sommet dans la conscience. Il y a des sommets dans l'illusion de l'ego, dans l'illusion spirituelle de la forme de l'ego. Là, il y a des sommets. 12e degré, 13e degré, comme la saison. La loge. Oui, mais il y a des différenciations comme les immortels, les éternels. Je veux dire, c'est quand même des degrés, c'est des ascensions. C'est pas des degrés, c'est des pouvoirs. C'est des pouvoirs, c'est le pouvoir qui leur donne la puissance. Puis la puissance les différencie de ceux qui sont moins en puissance. Mais il n'y a plus d'ego. Enfin, il n'y a plus de degré. C'est l'ego qui crée les degrés. C'est comme... Prends ton ajusteur de pensée, mon ajusteur de pensée. Si tu mets ton ajusteur de pensée, s'il est plus haut que le mien, tu vois comment ça voudrait pas. Ça marche pas de même dans leur monde. Nous autres, on qualifie tes degrés. Lui va dire dans le mien, puis il va me dire dans le mien, ça s'arrête là, c'est final. Casse ton pantalon avec le reste. Mais nous autres, on veut des degrés, puis il y a ça. Yeah. Je sais pas d'où ça vient, ça, ce qui se passe là, parce qu'il est en bas et en haut. Hein? Qu'il est en bas et en haut. Qu'il est en haut et en bas. Ça vient d'où, ces degrés-là? Il y a une hiérarchie dans l'univers. Il y a une hiérarchie dans l'univers, puis la hiérarchie est déterminée par la perfection ouais. des entités. Oui, mais il y a une hiérarchie pareille. Oui. Mais il n'y a pas de degré. Bon, je te donne un exemple graphique, OK? On va prendre un exemple qui est près de vos cœurs, vous autres, vos esprits. On va prendre le Christ. OK? Imagine-toi que le Christ viendra sur le plan matériel. Penses-tu que le Christ... Penses-tu que tu pourras sentir dans le Christ une différenciation? T'imaginer que tu sentirais une différenciation entre cette tête-là pis toi? Non. L'unité entre lui pis toi, sera totale. Comment tu veux dire? Ouais. Pas de bien. Comment tu veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais d'un certain côté, pour qu'il arrive à une telle compréhension, une telle, comment je peux dire, pour qu'il puisse m'englober, c'est que je me rendrais compte de la grandeur de compréhension, de conscience qu'il a. Ouais. Tu te rendrais compte de la grandeur de la perfection de son âme. Oui. Mais tu te sentirais pas plus petit. Tu te sentiras pas moins. Parce que ces sentiments dans cette expérience-là n'existent pas. Tu vivrais la plénitude de sa perfection. De là le grand amour. Ben, c'est ça. On a une mauvaise habitude, les hommes, c'est de penser quantitativement. Une très mauvaise habitude. D'abord, c'est à la source de nos mathématiques. Puis les mathématiques, nos mathématiques déforment notre conscience cosmique. Parce qu'on ne connaît pas les lois des nombres. Si on connaissait les lois des nombres, on ne travaillerait jamais avec les mathématiques. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'esprit de l'homme que de travailler avec les mathématiques. C'est bon pendant l'évolution, mais une fois que l'homme est rendu dans l'évolution, il ne travaille plus avec les mathématiques. Il travaille avec l'énergie des nombres, pas pareil. Les mathématiques créent dans la conscience de l'homme un rapport imparfait entre la forme et la densité de cette forme-là, qui lui donne l'impression d'avoir une sienne de l'univers. Lorsqu'en fait, aussitôt que sa conscience est développée et que son troisième œil est ouvert, sa science de l'univers est totalement différente. Quand on est dans le matériel, qu'on a besoin de matériel, nécessairement, ça nous oblige à quantifier. Et puis c'est la source première de tout. Je pense que l'idée de tout quantifier part de l'idée matérielle. Très juste. Un va avec l'autre. On n'a pas le choix de ne pas quantifier matériellement. C'est juste. Exactement. C'est juste. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est notre conscience créative. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Aucune idée. On a une idée qu'est-ce que c'est notre conscience consultative. On a une idée qu'est-ce que c'est notre conscience d'observation. Mais notre conscience créative, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut le savoir en essayant, en touchant différents domaines? Il faut changer de plan. Il faut avoir accès à la substance primordiale. Il faut travailler avec la substance primordiale. Il faut servir avec intelligence du pouvoir des rayons. C'est bon. Comme en création. les galaxies, les systèmes solaires, puis les étoiles, toute la machinerie qui marche dans le cosmos, c'est plus la matérielle. Ça n'a pas été qualifié qu'un slide rule, quand même. On a qu'à s'imaginer la puissance créative de la lumière. Quand on regarde le cosmos matériel, pour s'imaginer jusqu'à quel point la perfection de l'énergie de la lumière peut aller, pour nous donner une idée de l'importance de l'âme dans l'évolution de l'âme. Pour que l'homme puisse, à un certain moment, travailler avec les mêmes hiérarchies qui ont constitué les principes fondateurs et créateurs de cette organisation mécanique-là, qui est parfaite. Quand on réalise que le cosmos matériel est parfait, tu vois? Parfait. Parfait, le cosmos matériel. Il n'y a aucune faille dans le cosmos matériel. Aucune. Comment expliquer les collisions? Les quoi? Les collisions. Les collisions de quoi? De plein d'atomes. Quand il y a des collisions de planètes, c'est parce qu'il doit y avoir des collisions de planètes. C'est pas d'imperfection. J'aime ça quand tu disais que celui qui était le créateur de notre univers, c'était Lucifer, puis que c'était justement imparfait. On était dans le monde. C'était quoi? J'ai déjà dit à un moment donné que on n'était pas encore dans la perfection. On était encore dans des. L'âme. D'évolution. Le cosmos était en évolution. Le cosmos est en évolution, mais la mécanique du cosmos est parfaite. Quand on parle de la perfection du cosmos, on parle d'augmenter le niveau vibratoire des mondes qui ont été créés. Mais la mécanique du cosmos est parfaite. Changer la vibration d'un atome par l'énergie que possède l'esprit de l'homme, c'est augmenter la perfection du cosmos. Mais l'atome est déjà parfaite dans sa constitution. Ça fait partie du processus de création, mais de voir en haut, je dois voir à l'échelle de l'homme. Ce qui donne la civilisation occulte, la civilisation réelle, la grande civilisation. À quelques reprises, Bernard, tu as parlé qu'on devait tendre et devenir des créateurs. Est-ce que vous pourriez discourir là-dessus que tu... L'homme deviendra créateur. Parce que l'homme aura le pouvoir de l'âme en lui. Et se servira de l'énergie de l'âme pour créer. Ça fait partie de l'évolution. Il y a rien de ça. Je voulais te demander si tu peux autoriser le doublage des cassettes de la conférence de dimanche passé à Juliette. Le doublage? Le doublage, c'est très bien sûr. Ils ont suivi un séminaire, par exemple, dans le Caudron TV, le top 4. Bon. Je vais te donner une réponse dans 2 semaines. Tu es capable d'attendre 2 semaines? Dans 2 semaines, je vais te donner une réponse. C'est agréable de les réécouter, les élèves. J'en manque à vous. D'ailleurs, c'est des belles conférences. Je pense pas que c'était la meilleure. Quoi? T'es sur quoi? Quoi, mais... C'est sur l'amour. Ouais. Celle d'avant, j'ai pas raison, celle d'avant, t'en as une super psychologie. À la fin de la conférence, j'avais l'impression que tu fais le temps. Je fais le temps. Peut-être parce qu'il y avait pas une info à dire ou... Pas répéter, mais relis des choses différemment que t'avais déjà dit. C'est peut-être pas une chose agréable que je fais, mais je sais que t'es capable de le faire. D'ailleurs, j'ai pas trouvé les mêmes vibrations. Des fois, je voudrais aller aux conférences prendre un drink et vous autres. Mais je vais donner une réponse sur ça, déjà. Il dit, c'est bien important l'affaire d'objectivité de conscience. Bien important. Parce qu'il dit que lorsqu'on vit, lorsqu'on comprend ça, puis qu'on vit ça, c'est là qu'on s'aperçoit jusqu'à... C'est là qu'on s'aperçoit que les gens qu'on connaît sont... sont grands. Sont grands. Là, vous appelez ça être beau. Okay. Les gens sont grands. Ça sera forcément pour moi. L'amour cosmique, l'amour universel. Tu peux pas avoir d'université. Tu peux pas avoir, tu peux pas avoir d'amour universel. Tu peux pas être dans l'amour universel si tu ne connais pas l'objectif de conscience. C'est pas. Tu peux avoir de l'amour spirituel. Mais l'amour spirituel, c'est pas l'amour universel. Il y a une relation directe et étroite entre l'objectivité de conscience et l'amour universel. Et plus ton objectif de conscience est grand, plus ton amour universel est grand. C'est pour ça que les autres, l'amour spirituel, sont pas intéressés à ça. Parce que, à l'amour spirituel, il y a toujours son opposé pareil. C'est pour ça qu'il y a des conflits souvent entre les gens spirituels. C'est pas de l'amour. Dans sa forme de conscience pure, c'est ajusté au niveau du corps astral humain. Mais là encore, c'est avoir des bas vidéos, des journées, là, ouais. tu comprends objectivement. Ouais. T'acceptes tout le monde, puis d'autres journées, tu es tué. C'est long, wesh. C'est ça que je dis, la conscience, c'est pas facile. Tu peux pas te dorer la pelule dans la conscience. Dans la conscience, l'ego peut pas prendre ce qu'il veut. Il doit prendre tout ce qu'il a à dévorer. C'est pour ça que quand il l'a absorbé, à ce moment-là, sa vie est très claire. Des fois, tu chantes pareil, le journal. Quand t'es conscientisé, tes journées sont continues. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est toujours du temps qui passe puis qui coule. Mais sans anxiété pour le lendemain. D'ailleurs, c'est l'anxiété pour le lendemain qui fait qu'il y a des journées lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Tout le lundi. Ouais, surtout le lundi. Éliminer, là, si vous étiez... D'ailleurs, c'est ce qui se passe en vacances. Quand vous êtes en vacances, le lundi, le mardi, vous l'oubliez. Parce que vous n'avez pas l'anxiété pour le lendemain. Mais la journée que vous êtes oublié de partir en vacances, là, il revient. Ça, c'est samedi, là. Vous partez samedi, là, l'anxiété recommence. Et pendant votre vacances, là, des jours, vous êtes tous mélangés, là. Vous savez pas quel jour que c'est. Jusqu'à la fin, vous savez. Ouais, mais à la fin, vous le savez. Bon, regarde. Il dit les gens se respectent les uns les autres. Mais il dit c'est pas assez. C'est bon, c'est un bon outil, mais c'est pas assez. Les gens doivent se prendre objectivement. Quand tu te prends objectivement, t'as plus besoin de respecter l'autre personne. T'es déjà dans le respect de l'autre. C'est comme un peu la, comme un peu quand t'es conscient. Quand t'es conscient, t'aimes automatiquement. Fait que t'as pas besoin de t'occuper d'aimer. T'aimes. La conscience, c'est amour. Fait que t'as pas besoin de t'occuper d'aimer. C'est pas de tes affaires d'aimer le monde. C'est pas un sentiment, là. Au moins, au niveau de la conscience objective, c'est la même chose. T'as pas besoin de respecter personne, t'es en conscience objective. Donc, automatiquement, le respect, il est là. Le respect, c'est une forme. Comme l'amour spirituel, c'est une forme. Quand t'es dans la conscience, il n'y a pas de forme. Donc, le respect est toujours là. L'objectivité, ça serait une certaine aptitude à capter la vibration de celle qui est en face de toi, ou de reconnaître la vibration qui est en face. Ah, il dit pas mal. L'apprendre objectivement cette vibration-là. Tu n'as pas l'interpréter par tes sentiments. C'est ah, c'est bien important. Ça, c'est bien important. Parce que si tu prends pas objectivement, tu vois un gars. Tu vois pas. Ah, ben là, si tu mets ta tête, ça va être bon. Tu es un ici. Tu es le danseur. Il y a quelque chose, Bernard, au sujet du respect, l'objectivité, etc. Il me semble que c'est libre à voir. C'est toi qui le sais. Il n'y a pas de taponnage à faire avec ça. Il me semble intérieurement, dans le temps, de le vivre, quoi. Vivre quoi? Vivre ton énergie, vivre la vibration, simplement. Pas de casser la tête avec ça. Il me semble qu'on est, c'est pas nécessaire de se casser la tête avec ça. Tu peux vivre ta vibration, mais il faut que tu puisses absorber celle des autres. Nécessairement. Fait, vivre sa vibration. Ça se fait. Mais absorber ça des autres, c'est une autre affaire. C'est pas quelque chose, mais c'est pas. Ça arrive sur ma propre expérience. Et là, il se fera. C'est là que vous grandissez. C'est là que se détruit l'ego. C'est là que s'ajuste l'ego. C'est là. Tu parlais d'empathie. L'objectivité de conscience. L'empathie, elle existe tant qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de travail qui se fait, là. C'est de l'amusement entre les deux personnalités. Les deux personnalités se complaisent l'une l'autre parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Mais c'est quand il y a un conflit, là, puis qu'un cherche à s'ajuster avec l'autre, c'est là, c'est beau, là. Là, c'est beau. Là, à ce moment-là, quand c'est fait, c'est de l'harmonie. L'empathie, ça fait partie de l'ego. La sympathie, ça fait partie de l'ego. L'harmonie, ça fait partie de l'âme. Ça fait pas partie de l'ego. Tu peux être très empathique ou sympathique avec une personne, il peut se produire quelque chose dans votre vie qui va vous créer de la sympathie. De l'antipathie. Vous pouvez être ami avec une personne un jour ou le lendemain, vous allez être ennemi. Parce que ça ne fait pas partie de l'harmonie de l'âme. C'est une situation temporaire d'équilibre entre vos deux personnalités. J'ai toujours eu le vieil adage juif, si tu fais d'argent à quelqu'un, il va donner ton ennemi après ou autre chose. Tu sais, l'avant, il fait chose de même. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sorti quoi? L'harmonie, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'ego. La sympathie, c'est au niveau de l'ego ou de la personnalité. Quand t'es dans l'énergie de l'âme, que ton ego aime ça ou qu'il aime pas ça, se faire engueuler par un autre, ton ego est obligé de l'absorber. Quand t'es bien près de l'âme. Là, il se fait un travail, Charles Brown. Et tant que t'es passé dans cette énergie-là, ton ego va dire, ouais, il vient savoir de lui, il s'en va. Il n'y a pas de travail qui se fait. C'est en vous autres que ce grand travail-là se fait. C'est pas en moi et vous autres. Moi, je suis bien trop facile. Moi, je suis comme un serpent. Mais ça me passe assez serré, des fois. Ça sert pour le bien-être. Mais, de la personne, si la personne peut comprendre autre chose, s'en sort. Mais, tu deviens très flexible. Il y a bien plus de travail qui se fait entre vous autres qu'entre vous autres et moi. Entre vous autres et moi, c'est de l'instruction. Donne. Mais entre vous autres, c'est là que le travail se fait. C'est là que le travail se fait, entre vous autres. Parfait. Moi, je vous donne l'instruction, je vous dis c'est de même. Vous avez le choix de le voir, ou de le prendre, ou pas le prendre. Mais entre vous autres, c'est l'autre qui le rend. Vous autres, vous pouvez me parler. Vous donnez un exemple, M. Fernand, M. Lévesque. M. Lévesque, il me parle. Il me parle à sa femme. Je l'écoute. Je contredis jamais personne. Je vais jamais... Je suis pas compétitif. Je l'écoute. Ce qui est important, c'est que je l'écoute. C'est pas important que je dise nécessairement ce que je pourrais dire, excepté dans un temps. Dans un temps, moi, là, je vais parler. C'est le temps. Après ça, je l'écoute. Puis un autre temps, je parle. Puis après ça, je l'écoute. Un autre temps, je parle. Puis après ça, je l'écoute. Quand il me parle, puis que je l'écoute, que ce soit pas précisément, que ce soit pas précisément ajusté ce qu'ils me disent, qu'il y a encore des formes, je vais pas monter sur mes grands chevaux pis dire, là, là, là, là, là. Ça, c'est de l'ego. Il sentirait. Donc, automatiquement, les liens entre moi et lui se briseraient. La compétition, parce qu'il y a de la compétition entre les gens spirituels. Moi, je suis pas un être spirituel. Il n'y a pas de compétition. Je suis neuf. Ça existait beaucoup, je trouve. C'est dedans. C'est plus facile d'absorber. Ça, ça prend un gros parti de l'orgueil. Ouais. Mais c'est-tu vraiment de l'orgueil ou... C'est la vibration de l'orgueil. Toi, t'es pas dans l'orgueil, t'es dans la vibration d'orgueil. Mais il y a une chose que j'aimerais comprendre. La vibration d'orgueil, là, c'est une vibration... C'est bien intéressant.